Merci d'être à l'écoute de Radio Isanganiro, chers auditeurs et auditrices. C'est le moment du journal en français. Tout d'abord, les titres. Les Burundais ont célébré ce 1er juillet, 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les festivités au niveau national ont eu lieu à Gitega, capitale politique, sous la présence du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Et le manque du jet présidentiel et la pénurie du carburant sont certaines conséquences qui découlent du manque de leadership et visionnaire. À propos de Gabriel Ruffieri, président de l'ORICOM, et les filles lauréates du cycle post-fondamental sont appelées d'embrasser les filières scientifiques et d'autres pour qu'elles soient au même rang que les garçons. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président de la République appelle les Burundais à célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance. Il se demanda pourquoi le Burundi est encore compté parmi les pays pauvres. Il a dit cela ce samedi dans la capitale politique Gitega lors des cérémonies marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi au stade de Ingoma de Gitega. Une cérémonie qui a eu lieu pour la première fois à Gitega. Évariste Ndayishimiye demande aux Allemands de contribuer à la construction de la capitale politique Gitega étant donné que même ils avaient comme capitale Gitega du temps de la colonisation. Écoutez-le, il est traduit en français par Arthur Kavagouche. Uyu munsi tugume tuwinovora tuvuga tuti kubera iki tumaze imyaka 61 twishira tukizana ariko tukaguma turi igihugu gikenye arageze ko twiyumve. Remémorons-nous sans cesse cette journée en nous demandant pourquoi nous venons de passer 61 ans d'indépendance, mais que nous sommes toujours un pays pauvre. Il est temps d'y penser, mais aujourd'hui, il y a de l'espoir, car nous nous libérons du joug de la colonisation et nous avons la parole dans le concert des nations. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier les pays qui nous ont colonisés, car nous échangeons d'égal à égal. Je remercie une délégation de 14 Allemands qui sont venus nous soutenir en ce jour. C'est un signe éloquent que nous sommes majeurs. C'est pourquoi je les appelle à appuyer dans la construction de notre pays, car nous sommes là à cause d'eux et le Burundi était debout avant la venue des colons. Comme nous sommes avec les Allemands, ici dans la capitale politique Gitega, sacrée par eux comme capitale durant la colonisation, qu'ils nous disent qu'ils sont d'accord, qu'on dise que c'est eux qui l'ont bâti. Toutes ces belles maisons que vous voyez ont été construites par les Burundais, pas par les Allemands. Puisqu'ils sont ici, je leur demande d'ériger quelque chose qui marque qu'ils ont vécu ici. Aujourd'hui, si vous allez au Boman, est-ce qu'ils peuvent en être fiers? À votre retour chez vous, dites à vos dirigeants que les Burundais vous aiment, mais comme c'est vous qui avez commencé à faire Gitega la capitale, venez appuyer à construire cette ville qui est aujourd'hui la capitale politique. Alors, il serait bon de nous appuyer pour qu'on dise que cette ville a été construite par les Allemands et les Burundais, mais je ne suis pas en train de commander. Kigize umugwa mukuru wa politiki none rero byiza boza bakadufasha kubaka igisagara kugira ngo kitirigwe ko cagizwe n'abadagi ubwa mbere ariko sindiko dase dufatane mu mugongo turiko twubaka igihugu. À Bujumbura, ces festivités ont été haussées par la présence du maire de la ville et de Bujumbura, Jimmy Atungimana. Dans son discours, il a appelé les Burundais à œuvrer pour le développement de la paix. Selon lui, cela aiderait les Burundais à consolider l'indépendance. Reportage signé Sheila Irambon. C'est par la danse des tambourinaires et le défilé des burikukiye que la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Burundi a débuté à Bujumbura, la capitale économique. Des festivités rehaussées par le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana. Dans son discours de circonstance, le maire de la ville de Bujumbura a indiqué que cette célébration est une occasion pour chaque Burundais de voir le pas franchi pour pérenniser cette indépendance. Selon lui, il est temps de consolider la paix et ainsi prospérer. C'est comme cela que les Burundais vont avoir l'indépendance, a-t-il martelé. Sur ce point, chacun devrait se demander chacun ait sa part de contribution dans la consolidation de l'indépendance. Surtout que beaucoup parmi nous n'étaient pas encore nés au moment de l'indépendance. Il est temps de changer de mentalité et de nous lever pour la paix, source de développement. Et ce dernier ne provient que dans des activités génératrices de revenus qui sont source de développement des familles et du pays. Et en faisant cela, nous serons en train de consolider l'indépendance pour ainsi vivre dans la liberté comme nous le souhaitons. Ce centaine vient de s'écouler alors que les Burundais se sont séparés du joug colonial. En cette célébration, ce qui s'est fait remarquer à Bujumbura, c'est que les tribunes d'honneur étaient presque vides. Et à Bururi, en marge de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le gouverneur de la province de Bururi met en garde certains responsables des coopératives et soupçonnés dans le détournement des 10 millions de francs burundais octroyés par l'État aux coopératives collinaires pour l'autodéveloppement. Colonel Leonidas Bandenzamaso demande aux administrateurs communaux de mener des enquêtes sur ce cas pour que ces fonds retournent dans les coopératives. Cette autorité l'a dit ce samedi au stade de Kabuya en commune de Bururi, où il avait rehaussé de sa présence les cérémonies marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le point avec Zeno Nzambimana. Le gouvernement du Burundi met en avant la promotion des coopératives comme le mettait en avant le prince Louis Gwagasole, héros de l'indépendance du Burundi, c'est le gouverneur de la province de Bururi. C'est pour cette raison que toutes les coopératives collinaires ont bénéficié de 10 millions de francs burundais octroyés par l'État pour que le pays arrive au développement. Colonel Das Bandezamaso appelle la population de la province de Bururi à adhérer aux coopératives pour que tout le monde puisse bénéficier au même pied d'égalité des avantages relatifs, car cet argent n'a pas été donné à un tel ou tel autre groupe de personnes, mais a été donné pour le développement de toute la population, sans exception aucune. Toutefois, Colonel Das Bandezamaso met en garde certains des responsables des coopératives soupçonnés dans le détournement de ces 10 millions de francs burundais. Il appelle les membres de ces coopératives à dénoncer ces cas déjà soupçonnés et aux administrateurs communaux à mener des enquêtes approfondies pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Colonel Das Bandezamaso dit que l'argent détourné devra retourner dans les coopératives. Il a dit ce samedi au stade d'Okawuye en commune de Bururi, où il s'était joint à la population de cette commune dans les cérémonies marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies qui ont été débutées par le défilé des militaires et policiers. Depuis Bururi, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzamimana. Le manque de jet présidentiel et la pénurie récurrente de carburant au Burundi sont certaines conséquences qui découlent du manque de leadership visionnaire et du fait d'endosser les problèmes qui hantent le pays aux colonisateurs. Pour le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et malversations économiques au LICOM, ces derniers se sont installés après l'assassinat du héros de l'indépendance nationale. Gabriel Ufiri déplore que cette situation persiste 61 ans après l'indépendance. Suivez Gabriel Fier. La première conséquence, après 61 ans d'indépendance, le Burundi est classé le premier pays le plus pauvre au monde. C'est pas Fier qui le dit. Il faut seulement voir les rapports de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD, du PNUD et bien d'autres experts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après 61 ans d'indépendance, le Burundi a un taux de croissance économique de moins de 2%. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi ou un Burundais a un PIB par habitant et par jour de moins d'un dollar. Après 61 ans d'indépendance, à cause de cette situation, plus de 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi n'a pas de jet présidentiel privé. Vraiment, c'est une honte. Le président, pour qu'il participe dans des forats, dans des sommets internationaux, soit il loue, soit ils prennent les avions de ligne, soit les pays amis prêtent un jet privé au Burundi. Après 61 ans d'indépendance, le Burundi ou les Burundais surtout, cette situation que nous sommes en train de vivre n'est pas capable de se déplacer comme il le veut, suite au manque criant du carburant. Je pense que c'est le seul pays au monde actuellement qui peut passer près d'une année avec une crise récurrente des manques de produits pétroliers. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, journal continue, page de sécurité. Le matériel servant à la fabrication des pains dû dans une boulangerie, 6 au quartier Bilimba, de la ville de Rumonga, a été calciné vers 14h de ce samedi. Des platines, des bassins, des bidons et des eaux, des tables et des étagères et des pains qui venaient d'être fabriqués et qui n'étaient pas encore déplacés sont en effet partis en fumée suite à un feu dont l'origine serait l'extérieur de la parcelle, selon les employés dans cette boulangerie rencontrée sur les lieux. Le camion extincteur de la police et de protection civile de Rumonga est vite intervenu, mais il empêcha seulement la propagation de cet incendie vers d'autres maisons de la dite parcelle. La charpente de la dite boulangerie étant complètement brûlée, des feuilles de manguier s'étaient abattues dans la parcelle et entassées derrière la parcelle enflammée. Lors de l'incendie, d'autres déchets seraient à l'origine de cet incident, selon le propriétaire de cette boulangerie. Page éducation, les filles et lauréates du cycle postes fondamentales sont appelées d'embrasser les filières scientifiques et d'ingénierie et technologique et innovante pour qu'elles soient en même rang que les garçons dans la recherche de l'emploi. Gédéon Nyonguru, le coordinateur de la sensibilisation en collaboration avec le ministère de la Solidarité, l'a dit ce vendredi dans un atelier de sensibilisation, coaching et mentorat des écoles secondaires en mairie de Bujumbura. Son coordinateur ajoute que cette sensibilisation va poursuivre dans les autres provinces. Suivez-les. Cet atelier de sensibilisation, coaching et mentorat à l'endroit des filles et des écoles secondaires, était d'encourager ces filles afin qu'elles puissent affronter, embrasser des filières technologiques, scientifiques, innovantes, pour que ces filles puissent contribuer pour développer le Burundi de demain. Les filles du secondaire sont les pépinières, ce qui fait que si on veut véritablement aboutir à un développement harmonieux, il est indispensable, nécessaire d'encourager ces filles à partir du bas âge pour qu'elles s'intéressent aux sciences, aux technologies et pour qu'elles puissent suivre ces filières. On a remarqué que dans le passé, des filles ont affronté ces filières et conséquemment, lorsqu'il arrive même que les autorités désirent un certain recrutement ou désignation des personnes compétentes ou qualifiées dans tel ou tel domaine, on remarque peu de filles ou de femmes qui auraient fait ces filières. Et donc, tant de les encourager, de les soutenir, de les accompagner pour que de plus en plus elles affrontent ces filières. Et on aurait remarqué que quand bien même elles ont peur d'affronter ces filières, une fois qu'elles sont là et réussissent avec brio, le travail a commencé à Bujumbura mais il se poursuit dans d'autres provinces à partir de la semaine prochaine. Le journal continue. Page santé, absence de l'ordre professionnel de différents domaines de la santé présente des impacts négatifs sur la qualité des soins reçus par les patients. À propos de Veniste Ngendakumana, qui est le représentant légal de l'association des sages femmes engagées au Burundi APCR. Il précise que si une faute est commise par un infirmier ou sage femme, c'est à cet ordre de prendre des sanctions et d'autres mesures. Il recommande au gouvernement de tout faire pour que tous les domaines de la santé aient cet ordre de professionnels. Suivez-le. Au Burundi, il y a serment l'ordre des médecins, l'ordre des pharmacies, mais il y a absence de l'ordre des infirmiers, des sages-femmes et des professeurs alliés. C'est très important. L'ordre des infirmiers, des sages-femmes et des professeurs alliés est bénéfique à la population. Donc, dans notre cas, c'est les criats, les malades, donc, qui sont bénéficiaires des soins de santé. Et vous savez que la majorité de la population, la majorité des malades est soignée par les infirmiers, les sages-femmes et les professeurs alliés. Alors, quand il n'y a pas ordre des infirmiers, des sages-femmes, et des professeurs à l'IUE, il y a un impact direct, un impact négatif sur la qualité des soins reçus et par la population, par les malades qui est touchée. Par exemple, sur un professionnel de santé, un infirmier, un sage-femme, un professionnel allié, et commet une faute, c'est que s'il y a existence de l'ordre, il est interpellé directement par l'ordre. Et s'il y a nécessité, l'ordre peut punir le concerné. Et il y a aussi exactement d'autres avantages, notamment pour l'État, parce que s'il y a ordre des infirmiers, des sages-femmes et des professeurs à l'IUE, l'État en bénéficie par la diminution de gaspillage de ressources, parce que l'ordre est là pour améliorer les compétences des professionnels de santé, dans notre cas les infirmiers, les sages-femmes et les professeurs à l'IUE. Et s'il y a ordre, il y a reconnaissance à l'international de ces professionnels spécialisés dans l'administration des soins de bonne qualité. Nous interpellons le gouvernement pour que on accélère ce processus de mise en place des ordres des infirmiers, des sages-femmes, qui est très très bénéfique pour l'amélioration de l'état de santé de la population burundaise et aussi pour le développement de notre pays. La finance à moitié des projets des jeunes est enfin aux objectifs qui se fixent et leur coopérative est prise en charge par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEG. Certains représentants de ces coopératives expliquent qu'ils sont financés à peu plus de la moitié du capital demandé, ce qui fait qu'ils écopent à l'insuffisance du matériel nécessaire pour réaliser les projets déposés au sein du PAEG. On avance et la raison de demande de grands capitaux et on explique qu'on ne finance pas ces projets en totalité suite au vouloir de capitaliser beaucoup des projets possibles en main d'oeil. Ces jeunes saluent le programme PAEG qui leur octroie des capitaux pour exécuter leurs projets, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Il m'a aidé à élargir ma production, augmenter le coût de production de ce que je produisais, de le débit. Deuxièmement, grâce à PAEG, je puis donner de l'emploi aux autres jeunes. Cela étant, ces jeunes évoquent l'insuffisance des capitaux pour bien exécuter ces projets, ce qui constitue une entrave pour avoir des bénéfices souhaités, estiment ces jeunes. Selon les matériels dont nous avons besoin, il faut qu'ils demandent à ces jeunes des problèmes qu'ils rencontrent en mettant en pratique leurs projets, afin qu'ils puissent connaître ce qu'ils font ajouter pour qu'ils puissent compléter tous ces problèmes. Pour démonter mon projet, j'ai reçu un capital de 8 millions via PAEG. Dans mon business plan, je vais préparer que mon projet marche à plus de 20 millions. Au sein du PAEG, l'on trouve que ces coopérateurs demandent des capitaux élevés. Désiré Manirakiza, coordinateur national de ce programme, précise que l'on opte à financer des projets avec peu de capitaux pour satisfaire plus de bénéficiaires. Les projets qui sont envoyés au PAEG ne sont pas des projets qui ont des prévisions budgétaires identiques. Certains sont chers, d'autres moins chers. Mais on soutient tous les projets. Il y a des projets qui nécessitent l'importation des machines, d'autres ne nécessitent pas. D'autres nécessitent l'importation des matières premières. Et donc, du coup, des fois, on se retrouve évidemment avec un dépassement. Plus de 1300 projets ont été financés pour l'année en cours. Merci à Omer Ndouayo. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal et merci de l'avoir suivi. Mais juste après, c'est la revue de la presse. Au revoir. De la presse. Bonjour, bonsoir. Une pénurie d'eau potable en zone Gatumba à l'origine des lamentations, constate l'agence burundaise de presse. Son confrère décrit des femmes tenant des bidons vides au dos qui se promènent sur l'axe routier à la recherche d'un taxi motard qui peut les aider à aller puiser de l'eau potable à Kajaga. Un bidon d'eau puisée à Kajaga coûte entre 500 et 800 francs burundais pour cette population de Gatumba paupérisée par les inondations récurrentes de la localité, précise ce journal. Ajoutant que les quartiers Mushasha 1, 2, Kinyinya 1 et 2 sont les plus touchés par cette pénurie. Interrogé par l'ABP, une maman habitant Gatumba affirme qu'elle utilise l'eau des fosses qui sont sales pour la vaisselle, pour laver les enfants et pour nettoyer les maisons, et même pour la cuisson. ce qui est une menace pour la santé globale des personnes. Ce quotidien rapporte aussi les lamentations de ses habitants d'Ogatumba qui regrettent que des factures sont produites par la régie des eaux alors qu'il n'y a pas d'eau. Ils demandent à cette régie de production d'eau et d'électricité d'amener un tank qui peut desservir toute la ville d'Ogatumba, souligne toujours l'agence burundaise de presse. La réhabilitation du centre universitaire de Kamenge est pour bientôt, écrit Burundi Echo, reprenant ainsi une annonce du directeur général du CHUK, Dr Stanislas Harakandi, qui précise que ce projet est en cours et sera financé à hauteur de 85 millions de dollars par le Fonds saoudien pour le développement et la Banque arabe pour le développement. C'est prévu que les travaux commencent cette année et vont se clôturer dans 5 ans, affirme le directeur général du CHUK dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, expliquant que pour le moment, ils sont en train d'exploiter l'existant, c'est-à-dire repeindre les locaux, réparer certains meubles, en attendant l'exécution de ce projet. Burundi Echo rappelle que ce projet date de 2017, quand le directeur général du Fonds saoudien pour le développement a promis à Joseph Boutore, alors ancien vice-président de la République en visite en Arabie Saoudite, de financer la réhabilitation de l'hôpital Roi Khaled, l'aménagement de la route Mutambara-Nyanzalak, ainsi que la construction et l'équipement d'un institut supérieur professionnel. Revue de la presse. Un ancien député locataire de la prison de Rumonge écrit Net Press. En effet, dans sa parution du 30 juin 2023, Net Press rapporte que l'ancien député de l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est, Eyala Christophe Ndouayo, venait de passer sa deuxième nuit à la prison centrale de Murembwe de la province de Rumonge. Il venait de passer 2 semaines dans les cachots du Service national de renseignement dans la capitale économique Bujumbura. Selon des informations proches du dossier, poursuit son confrère, cet ancien député membre du parti de l'opposition Congrès national pour la liberté CNL serait accusé de détention illégale d'armes. Les informations indépendantes indiquent que sa détention relèverait d'un montage du fait qu'il y a des déchirements au sein de cette formation politique depuis plus de 8 mois et que cet ancien député Christophe Ndouayo est proche du président du parti, Agathon Rwasa, écrit toujours ce quotidien en ligne. Des talents cachés d'une élève du lycée Sainte-Thérèse révèlent la voix de l'enseignant. C'est le cas de Charlène Igiraneza, âgée de 16 ans, élève de la première année post-fondamentale, section biochimie et sciences de la terre, au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, qui s'exprime à travers la bande dessinée et qui a dévoilé ses talents lors de la Semaine de la langue française et de la francophonie, édition 2023. Charlène a produit une bande dessinée avec les 10 mots de la francophonie proposés cette année. Ces mots sont entre autres avant-jour, plus que parfait, hivernage, tic-tac, dardard, rythmé, synchrone, année-lumière, déjà-vu et lambiné. Sa production a battu le record et a émerveillé tous ceux qui avaient lu cette bande dessinée, reconnaît son confrère. D'après son encadreur dans le club Lire pour son plaisir, si elle obtient un soutien, son talent la conduira loin et dessiner sera sa profession, a dit Dieudonné Nihorimbere dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. Et c'est par là que se boucle cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.